Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre magazine de science. Aujourd'hui, nous allons mettre le nez dehors dans l'environnement, ici et au Grand Nord. Alors à 18h30, je recevrai la professeure Valérie Langlois qui nous parlera de la table ADN environnementale du Québec. Qu'est-ce que c'est ça, l'ADN environnementale, et qu'est-ce que ça révèle? Valérie Langlois nous expliquera tout ça à 18h30. Mais en premier lieu, nous allons faire un tour au Nunavik avec Marianne Falardeau et Véronique Dubose. Bonjour Véronique, bonjour Marianne. Bonjour. Alors Marianne, en fait, vous la connaissez peut-être déjà, vous allez reconnaître sa voix peut-être, elle est déjà venue au micro de Futur Simple en tant qu'animatrice et elle est maintenant professeure à l'université TELUC. Et Véronique Dubose est chercheure postdoctorale à l'université Laval et elle travaille notamment avec Marianne. Et toutes deux étudient les écosystèmes aquatiques et la sécurité alimentaire au Nunavik et leur point commun, c'est l'omble chevalier. Alors, on va commencer avec les travaux de Véronique et notamment, en fait, une étude réalisée en partenariat avec les Inuits sur cet omble chevalier. Donc, l'omble chevalier, Véronique, on s'entend, c'est un poisson, c'est ça? C'est un poisson. Commençons déjà par dire ce que c'est. C'est un salmonidé, ça ressemble un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble un peu à un saumon. C'est un... Dans le Nord, ils sont grands, là, c'est des poissons migrateurs. Et ça a la forme un peu de saumon, la taille d'un saumon, puis la chair rose, la chair orangée, mais c'est meilleur qu'un saumon. Ah bon, nous on n'a pas eu la chance d'y goûter, mais on te croit sur parole. Alors on va parler d'une étude, et en particulier une étude qui a la particularité, c'est qu'elle a été initiée par les Inuits. Oui, c'est une question que je travaillais dans la communauté de Kangiirsuk, puis il y a une question qui était très récurrente, parce que je travaillais sur les habitats de ce poisson-là, sur les habitats de reproduction puis d'hivernage. Et il y a beaucoup de monde qui me demandait où est-ce qu'ils... Ils ont un grand lac à côté de la communauté, puis ils se demandaient où est-ce qu'ils étaient l'hiver dans ce lac-là. Mm-hmm. Parce que, contrairement aux autres localisations, dans ce lac-là, ils n'étaient pas capables de les attraper. Ah, ils disparaissaient ils en hiver. Ils disparaissaient, exactement. Mm-hmm. C'était un mystère, en fait. Donc, ils voulaient savoir, mais que deviennent les poissons en hiver? Exactement. Et la méthode utilisée, en fait, avant tout, en fait, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à l'omble? Est-ce que c'est important pour eux? C'est une source alimentaire importante? Oui, c'est un poisson vraiment important. C'est un peu une nourriture de base. Alors, fait que dans le Nord, les gens consomment vraiment beaucoup de nourriture traditionnelle, issue de la chasse et de la pêche. Et la principale, c'est le caribou, et la seconde, c'est l'omble chevalier. Mais contrairement au caribou, qui est plus saisonnier et plus aléatoire, l'omble chevalier, on peut le pêcher tout le temps. Pratiquement toutes les communautés ont accès à ce poisson-là. Puis de tous les poissons qu'ils consomment, c'est à peu près 85-90%, ah ouais, c'est de l'omble chevalier. Donc c'est souvent qu'ils mangent de ce bon, oui, poisson. Et donc la méthode utilisée pour savoir, mais il est où ce poisson en hiver, c'est la télémétrie. Donc qu'est-ce que c'est ça, la télémétrie? La télémétrie, c'est le fait de pouvoir suivre les mouvements des animaux à distance. Et pour les poissons, ce qu'on utilise, c'est la télémétrie acoustique, parce que contrairement aux animaux terrestres, on ne peut pas utiliser de GPS comme les colliers GPS, parce que ça ne fonctionne pas sous l'eau. Ah. Donc on doit utiliser des émetteurs acoustiques. Et pour ça, on implante les poissons avec ces émetteurs-là. Mmh. Donc il faut les pêcher. Il faut les pêcher, puis après, ça marche avec une petite chirurgie. Fait que c'est comme les humains, il faut les anesthésier. On fait une petite opération, on les recoue après, puis une fois qu'ils sont bien réveillés, on les relâche dans leur milieu. Ok, donc là, ça veut dire que vous avez... tu as travaillé avec les Inuits, j'imagine, oui. Tu n'as pas fait ça toute seule? Non. La première fois, on avait engagé une chercheure qui... Caroline Gillis, qui travaille beaucoup avec des communautés autochtones en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick. Et c'est elle qui avait fait les opérations. Puis oui, on a travaillé avec des gens de la communauté, là, avec des guides, des pêcheurs qui nous ont aidés, des étudiants aussi qui ont attrapé des poissons. Donc ça veut dire, puisqu'on veut savoir où sont les poissons en hiver, il fallait aller les pêcher en hiver. Non, il fallait les pêcher quand... En fait, le lombe chevalier, c'est un poisson migrateur qui s'alimente en mer pendant quelques semaines, pendant un mois et demi à peu près. Puis après, tous les automnes, il remonte pour hiverner, puis pour se reproduire en eau douce. Donc, il remonte les rivières. Donc, on les attrapait au moment où ils remontaient la rivière. Ah oui. C'est ça qui était le plus facile. Puis après, ils passent l'hiver dans le lac. Et puis, c'est là qu'on... Okay. qu'on essayait de les suivre. Ouais. Et pour les suivre, justement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu parles de signal acoustique, oui. Mais on ne les entend pas. Non, on ne les entend pas. Alors, il faut mettre des émetteurs dans le lac. Ouais. Pas des émetteurs, des récepteurs dans le lac. Donc, on a mis plusieurs récepteurs à l'automne, avant la glace. On a installé des récepteurs partout dans le lac, tout le tour du lac, pour savoir où est-ce qu'ils étaient dans ce lac-là. On en a mis à la sortie du lac, à la sortie ou à l'entrée, et dans la rivière qui se jette dans le lac. Puis ces récepteurs-là, comme l'hiver on n'y a pas accès, on est obligé de les laisser, on les laisse pour toute l'année, puis ça nous permet de suivre le mouvement quand les poissons arrivent dans le lac, quand le poisson sort du lac aussi. Ok, donc on voit à quelle date ils arrivent, on voit après pendant l'hiver où est-ce qu'ils sont dans le lac et quand est-ce qu'ils s'en vont. Bon, c'est un peu comme tout le temps en science, on ne veut pas faire une étude sur un poisson, sur un échantillon, donc il a fallu quand même en pêcher un certain nombre pour avoir un nombre représentatif, faire des statistiques, j'imagine. En fait, dans ce cas-là, c'était la première étude de télémétrie dans la communauté. Puis ils ont décidé, l'association de chasseurs et de pêcheurs a décidé de ne pas en taguer beaucoup, fait qu'on en a tagué 8 pour savoir où est-ce qu'ils allaient. Donc, c'est pas un nombre très grand, mais c'était suffisant pour voir qu'ils restaient dans le lac et qu'ils restaient immobiles dans ce lac-là. Et que c'est pour ça que les gens ne sont pas capables de les attraper. Ah, ils oui. rentrent dans le lac, puis comme c'est un poisson qui s'alimente juste en mer pendant l'été, l'hiver, comme il fait très froid, il a besoin de garder ses réserves énergétiques. Donc, il s'alimente. Ça n'alimente pas, il bouge très peu. Ouais. Et spécifiquement, dans ce lac-là, il ne bougeait vraiment pas beaucoup. Ah, oui. C'est un très grand lac, très peu profond, puis ça doit être des conditions qui font qu'il reste complètement immobile. Mais est-ce qu'il reste n'importe où dans le lac, là, en les écoutant, est-ce qu'on a été capable de les... En écoutant le signal, est-ce qu'on a été capable de voir s'ils étaient en bordure, au fond, s'ils se regroupaient ou s'ils étaient chacun de leur côté? Mais d'habitude, dans les lacs, ils sont souvent près des rives, dans les eaux pas profondes. Dans ce lac-là, qui est un très grand lac, peu profond, ils étaient un peu plus dispersés. C'est peut-être pour ça qu'ils sont plus durs à pêcher. Mais aussi, ils étaient dans une baie particulière. Et c'est un lac avec plusieurs baies. Puis dans cette baie, c'est très intéressant parce que les gens ne les pêchent pas l'hiver, mais au printemps, dès que ça commence à fondre, ils recommencent à les pêcher dans cette baie-là. Ah, c'est dans cette baie-là. Oui, et ce qu'on a vu avec la télémétrie, c'est que dès que ça commence à fondre, avant même que la glace fonde, et que il y a de la fente qui ruisselle un peu, et c'est à ce moment-là que les poissons, ils recommencent à bouger. Fait que ça marche exactement avec le début de la pêche, finalement. Puis c'est là où les gens... aller pêcher aussi, donc il y avait cette connaissance du lieu là, puis c'est là que les poissons sont. Exactement. Ça rejoint un petit peu ma question suivante. Je me demandais, est-ce que les Inuits eux-mêmes ont été surpris de ces résultats, ou finalement, où est-ce que ça dit c'est pour ça qu'on peut les pêcher à tel endroit, et comment ils ont intégré ces connaissances? Ils étaient surpris que les poissons soient là pendant l'hiver, parce que c'est l'endroit où ils pêchent, même s'ils n'arrivent pas à les attraper là, ils essayent aussi, fait que oui, ils étaient surpris. Ils ont été encore plus surpris de voir que certains poissons sont montés en haut, quitté le lac pour monter plus en amont, et ces poissons-là ont sauté une migration. C'est un peu inhabituel. Ils ont sauté une migration probablement pour se reproduire. Ça arrive quand les sites de migration sont loin. Les poissons, pour garder leur énergie, plutôt que de faire cette longue migration-là, ils sautent la migration et ils restent en eau douce. Ils s'alimentent généralement pas. Fait qu'ils passent pendant 2 ans, pendant 22-24 mois, sans s'alimenter, en eau douce. Ah oui. Pour garder l'énergie pour la reproduction. Ah, c'est quand même impressionnant, ça doit être surprenant. Est-ce que, donc c'est des connaissances qui sont acquises, mais bon, on comprend qu'avec les changements climatiques, il n'y a plus grand-chose d'assuré maintenant. Est-ce que ces connaissances-là risquent de devenir caduques avec les changements climatiques? Spécifiquement dans ce lac, l'habitat d'hiver, pas vraiment. Par contre, la migration, oui, parce que c'est... les habitats, les rivières sont très affectées par les changements climatiques. Mm-hmm. L'été, il y a beaucoup plus de sécheresse. On nous navigue, il y a beaucoup de sécheresse qui est observée. Les températures de l'eau sont plus élevées. Ça, c'est un poisson d'eau froide là, qui est en haut de 16, il commence à avoir des problèmes cardiaques. Mm-hmm. En haut de 20, c'est critique. Et ouais. Puis ça, c'est des températures qui commencent à être vues de plus en plus souvent l'été. Ouais. Et fait que les juvéniles, il y a déjà eu des épisodes de mortalité qui ont été observés chez les juveniles, qui restent, eux, ils restent en eau douce. Et les adultes qui migrent à la fin août, c'est à peu près... l'eau peut parfois être encore un peu chaude pour eux. Puis avec les rivières qui deviennent plus sèches, ça devient compliqué pour ces migrations-là. Puis quand ils doivent aller migrer pour se reproduire dans des rivières, dans des lacs qui sont plus loin, ça peut être critique. Ouais. Donc on n'est pas sûr que le garde-manger persiste de la même façon, non. Soit toujours aussi plein avec les changements climatiques. Est-ce que ça compromet la sécurité alimentaire des Inuits? Possiblement, ça, je vais laisser Marianne répondre là-dessus pour la sécurité alimentaire. Ouais, Marianne? Oui, ben justement, c'est, il y a comme beaucoup de ponts dans nos recherches. Là. Je travaille aussi sur l'ombre le chevalier, sur des projets où on fait le lien avec la sécurité alimentaire. Fait qu'il y a certainement des implications à différents niveaux. Là. La sécurité alimentaire, ça comprend différentes composantes, dont l'accès qu'on a à notre nourriture. Donc, dans un contexte de nourriture traditionnelle, ben, ça va être l'accès qu'on a à des sites de pêche. Ça peut être compromis ou affecté par le changement climatique, bien sûr, si le territoire change, que ce soit des modifications du pergélisol ou des choses comme ça qui font que le territoire est altéré. Mais il y a aussi des effets indirects via les chaînes alimentaires, puisqu'on détecte des changements dans l'alimentation de l'ombre chevalier. Il y a de plus en plus d'études là, qui voient qu'on le poisson peut modifier son alimentation en mer. Là. Il va en mer en été pour s'alimenter vers des proies, entre autres, qui viennent plus des océans Atlantique, Pacifique. Et ça a certaines implications là, au niveau de la qualité nutritive du poisson. Mm-hmm. Donc, ultimement, effectivement, ça a un impact sur la sécurité alimentaire, mais bien sûr, faut voir sur le long terme là, qu'est-ce que ça peut donner. Il y a aussi des nouvelles espèces qui montent, qui pourraient être consommées, donc ça amène des opportunités aussi de consommation d'espèces, mais est-ce que ces espèces-là vont correspondre aux habitudes de préférence alimentaire, puis est-ce que les gens veulent manger? Mm. Donc, c'est pas aussi simple que positif ou négatif, c'est une combinaison d'implications puis une dimension très sociale et humaine au niveau des préférences, qu'est-ce qu'on souhaite manger. Puis ça, c'est important. La notion de préférence est vraiment importante aussi en sécurité alimentaire, puis c'est un besoin qu'on doit pouvoir remplir aussi. Manger quelque chose, oui, mais manger quelque chose qui nous satisfait culturellement dans nos valeurs, puis voilà. Ben justement, Marianne Falardeau, chercheuse à la TELUC, à l'Université TELUC. Je rappelle juste pour être sûr que les gens savent que je parle à Marianne. Donc, c'est ça. Je me demandais justement, dans les dernières années, tu as travaillé sur des projets qui avaient un peu un lien avec la sécurité alimentaire, mais du moins avec les communautés, ça c'est... Donc, je me demandais, c'était quoi exactement ton projet? Bien, il y a eu plusieurs composantes. Là. J'ai travaillé dans le cadre d'un grand projet qui s'appelle Fishes, qui est à travers le Grand Nord. Là, mais le but, c'est d'explorer des manières de soutenir les pêches autochtones à travers le Nord en combinant différentes méthodes, là, dont la génomique, mais aussi des méthodes participatives, différentes méthodes en écologie. Puis, au Nunavik, on a fait un vaste projet là, dans le cadre que j'ai commencé dans le cadre de mon postdoctorat. J'ai poursuivi en tant que professeur où on développe des scénarios du futur basés sur différentes connaissances qu'on a aujourd'hui sur le système, sur l'ombre chevalier, sur l'écosystème, des études tant en biologie, mais aussi des connaissances de nature plus sociale. Mm-hmm. Et le but, c'est de se projeter vers l'avenir et d'explorer ce à quoi ça pourrait ressembler dans un cadre très participatif. OK. Puis, ce que je voyais, c'est qu'il y avait un livrable, entre autres, du projet qui était un film en Inuktitut, sous-titré en anglais. Puis, on va justement en écouter un court extrait. C'est vraiment le fun d'entendre la langue, ce qui nous arrive malheureusement pas très souvent ici dans le sud. Mais c'est important que le film soit en Inuktitut. Ouais, c'était super important pour moi là. C'est le deuxième film que je produis là, en lien avec des projets comme ça de plusieurs années là, collaboratifs. C'était super important pour moi que celui-là soit en Inuktitut en premier avec les sous-titres en anglais. L'audience principale étant les communautés du Nunavik, les organisations du Nunavik. Donc bien sûr, je voulais que le film soit dans leur langue. Puis au Nunavik, l'Inuktitut est parlé couramment là. C'est très très très vivant et actif comme langue là. Donc c'était c'était assez essentiel là, que le film soit dans cette langue-là. En même temps, le film, bien sûr, est disponible pour un grand public, mais comme tu l'as dit, on n'est pas exposé aux langues autochtones suffisamment. Mm-hmm. Donc, c'est aussi une façon d'exposer les gens, d'avoir les sous-titres, donc ils peuvent comprendre le film aussi, mais d'entendre différentes langues, je pense que c'est important. Puis si on en revient un peu le projet... dans le fond, le projet, c'était envisagé l'avenir jusqu'en 2080 et comment se préparer. Le travail là, qui a été mené, là, ben, ça a été mené avec qui? Ben, là, des gens qui parlent la langue, c'est ce qu'on comprend à ça, mais c'était où plus précisément? Puis quelle population exactement? Oui, ben, c'était au Nunavik, dans la région de la baie d'Ungava. Puis, d'abord, pour contextualiser, là, on a bâti des scénarios de l'avenir jusqu'en 2080. Donc, c'est quoi un scénario? C'est une vision du futur, ce à quoi ça pourrait ressembler de manière plausible. Mm-hmm. Donc, ça va au-delà d'un modèle. On a des modèles qui nous permettent, d'un point de vue climatique ou même écologique, de se projeter dans l'avenir. Puis, c'est certainement extrêmement pertinent là, d'avoir des modèles plus quantitatifs là, qui représentent nos systèmes climatiques et écologiques. Par contre, ils sont un peu contraints là, par les connaissances d'aujourd'hui puis par un peu les cadres de connaissances occidentales scientifiques là, qui les ont bâtis. Donc, avec des scénarios, on va au-delà de ce qui est probable, mais dans ce qui est plausible. Okay. Et on l'a vécu récemment, on a vécu une pandémie. On vit des choses surprenantes de plus en plus. On est dans une planète où il y a plusieurs changements d'interaction. Donc, le concept des scénarios est né de ce besoin-là d'aller au-delà des modèles puis vraiment d'explorer une diversité de possibilités pour le futur et de se préparer. Mm-hmm. Donc, le but, c'est de bâtir notre résilience, de s'imaginer quelles choses surprenantes pourraient survenir et de s'y préparer. Donc, c'est une méthode qui est utilisée à travers le monde, entre autres par des organismes des Nations Unies, par des gouvernements à différentes échelles. Et le but ici, c'était d'utiliser cette approche-là dans le Nord, dans les communautés inuites, parce que souvent, les scénarios, il y a différentes voix qui sont sous-représentées dans ce genre d'exercice-là. Donc, c'est de venir représenter des visions de communautés du Nunavik. Mm-hmm. Je l'ai fait également au Nunavut dans le cadre de mon doctorat, dans ces visions-là du futur. Mm-hmm. Pourquoi 2080? Bon, c'est une année qui correspond à plusieurs modèles climatiques, mais c'est aussi, en anglais, in two generations from now, dans deux générations. Mm-hmm. Donc, on a un lien relationnel à cette année-là. On peut connaître des gens. Nos petits-enfants vont avoir leurs petits-enfants. Donc, c'est une année qui peut parler, qui peut nous faire dire « Wow, OK, j'ai des gens qui vont avoir leurs enfants, qui vont vivre cette époque-là. » Donc, le but, c'était justement d'avoir un lien relationnel avec cette année-là. Et on a amené ensemble des membres de 5 communautés dans la baie d'Ungava, au Nunavik, des détenteurs de connaissances inuites là, qui pêchent et qui chassent depuis l'enfance. Ils connaissent le territoire en profondeur. Mm-hmm. Mais aussi des scientifiques et des gestionnaires des pêches. Donc, le but, c'était d'avoir des gens qui ont toute une combinaison de connaissances pour se projeter dans deux générations. Ouais. Mm. Oui, puis justement, ça m'intriguait au niveau de la communauté elle-même. Là, c'était-tu l'âge des gens? Dans le film, là, on entend des personnes qui étaient plus âgées. Est-ce que c'était des plus jeunes, des plus vieux? Est-ce que c'était des groupes représentatifs un peu de la communauté? Bien, c'est une excellente question. Là, dans le cadre de ce genre de démarche-là, c'est important d'impliquer des gens de différentes générations, différents âges. Les aînés détiennent un bagage de connaissances extraordinaire, donc c'est certainement hyper important là, d'impliquer des aînés, ce qu'on a fait, mais aussi des jeunes, parce que c'est leur futur, donc on a aussi voulu faire certaines activités avec des jeunes pour leur demander c'était quoi leur vision du futur, qu'est-ce qu'ils souhaitaient pour le futur. Donc, il y avait quand même une diversité d'âge puis de provenance dans le cadre du projet. Puis, concrètement, comment ça se déroulait, une discussion, une entrevue, un atelier, comment que ça fonctionnait, ouais? Bien, c'était de plusieurs manières, là, parce que c'est un projet pluriannuel. Justement, l'objectif de rendre ça pluriannuel, moi, le terme que j'aime, c'est itératif, là, mais c'est de retourner à plusieurs reprises, mm-hmm. d'aller parler à différents groupes, de diversifier les manières d'interagir avec les gens, parce qu'en faisant ça, on diversifie aussi les voix qu'on entend, la manière d'interagir avec les gens. On a même utilisé certaines activités un peu plus artistiques, où des gens peut-être un petit peu moins vocaux, plus gênés de s'adresser dans des groupes de discussion vont s'épanouir dans ce genre de démarche-là. Mm-hmm. Donc, c'est un projet qui s'est déroulé sur plusieurs années. Là. J'ai commencé les consultations en 2020 environ, puis okay. on a fait un atelier en 2024, puis je suis retournée en 2025 également. Là. Donc, ça a été à chaque année, pendant plusieurs années. Mm-hmm. J'ai fait des entrevues plus individuelles, des groupes de discussion où on était peut-être 4 ou 5. Puis ça a culminé avec En fait, il y a eu 2 ateliers où on était presque une vingtaine de personnes. Donc, ça a été assez diversifié, mais aller, mm-hmm. tu sais, utiliser différentes méthodes, différents groupes pour bâtir le tout. Puis je suis curieux, justement, ça revient un peu à ma question tout à l'heure, mais est-ce que vous avez vu des différences comme, je disais, rapidement entre les générations? Y avait-il quelque chose entre les personnes plus âgées ou les plus jeunes? Est-ce que, ou il allait dans le même sens? Est-ce que... C'est très diversifié, tu sais, les visions qu'on peut avoir du futur au sein de toute communauté ou toute société, là. Mais c'est certain que les jeunes vont peut-être avoir des visions du futur où on va intégrer beaucoup certaines technologies ou des choses comme ça, tu sais. Donc, mm-hmm. on l'a vu aussi dans nos travaux au Nunavut, là. Les jeunes avaient des idées qui utilisaient les technologies, mais les gens plus âgés aussi, là, il y avait comme une intégration intéressante entre... une résurgence de pratiques traditionnelles tout en mettant à profit les technologies qui sont à notre disposition pour, par exemple, aller sur le territoire en toute sécurité, considérant que les changements mm-hmm. climatiques peuvent altérer les conditions de glace et des choses comme ça. Donc, de plus en plus, il y a, par exemple, des applications sur les téléphones où on peut mm-hmm. venir faire des suivis des conditions de glace. Donc, il y a comme une combinaison intéressante qui peut se faire à ce niveau-là. Te parler brièvement des scénarios, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il y en avait 3. Puis, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu c'était quoi ces 3 scénarios-là plus précisément? Oui, puis bien sûr, je vais référer tout le monde et l'audience au rapport là, qu'on vient de publier, qui est assez exhaustif là, sur chacun des scénarios. Puis aussi, on a un rapport exécutif là, plus petit là, à aller visualiser. Puis on a d'ailleurs une illustratrice là, qui a créé une illustration mm-hmm. pour chacun des scénarios. Donc, on a le film, mais j'ai aussi voulu créer une genre d'œuvre d'art là, pour chacun mm-hmm. des scénarios. Mais très brièvement, là, en gros, chacun explore différentes trajectoires plausibles de différents moteurs de changement dans le futur. Donc ici, on s'est concentré sur la gouvernance, les développements industriels qui sont en plein changement là, dans le Nord. On parle de la dernière frontière, par exemple, là, pour du développement, mm-hmm. certains développements miniers. Et le changement climatique, bien sûr, là, qui est de manière plus accrue dans mm-hmm. le Nord que partout ailleurs sur la planète. Et ensuite, les gens étaient séparés en différents groupes là, qui avaient différentes combinaisons de trajectoires plausibles, là, basées entre autres sur des études scientifiques, des modèles. Mais là, on explorait plus largement qu'est-ce que ça veut dire pour l'écosystème, pour les pêches, pour les gens, mm-hmm. ce genre de modèle-là climatique. On a aussi exploré différentes solutions pour naviguer les défis, mais aussi et surtout développer des opportunités, puis soutenir les aspirations que les gens peuvent avoir pour le futur. Donc, dans tout ça, là, il y a un scénario privilégié dont je pourrais parler, mais ça, si ouais. j'explique les 3, on va être là pour la soirée. Oui, je suis curieux de savoir justement, là, c'est quoi le scénario privilégié, là? Bien, c'est ça, c'est un scénario qui mettait de l'avant une gestion de l'environnement, puis une gouvernance qui est vraiment pour et par les Inuits. Mm-hmm. Donc, une gouvernance, autogouvernance, là, comme on pourrait appeler, mais aussi un développement qui est axé sur les pêches plutôt que sur des activités industrielles comme le développement minier, par exemple. Mm-hmm. Puis dans ce scénario-là, puis le titre le souligne, là, c'est vraiment la sécurité et la souveraineté alimentaire des Inuits qui est une priorité absolue. Qui est soutenu par de nombreuses initiatives là, qui visent à maintenir l'omble chevalier. Donc, il soulignait, là, l'omble chevalier, c'est une espèce vraiment importante. On en a parlé avec Véronique. Donc, il souhaite qu'il y ait des initiatives pour maintenir cette espèce-là, pour soutenir leur sécurité alimentaire, C'est une espèce qui, oui, est nourrissante, mais culturellement, un rôle crucial. Donc, par exemple, soutenir et protéger les habitats de migration dans les rivières, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, là, un assèchement des rivières peut rendre la migration plus difficile, mais il y a des actions qui peuvent être faites là, même les rivières, pour venir aider les passages migratoires. Donc, y avait-tu une idée de pisciculture ou de choses comme ça, un peu? Il y a eu certaines discussions à ce niveau-là. Bien sûr, ça amène des réflexions techniques très importantes. Ouais, okay, ouais. Mais oui, ça a été discuté. Mais il y a certainement là, beaucoup de discussions à avoir sur la faisabilité et la technicalité qui entoure des projets ça, comme ça. Ouais. Puis bon, tu disais, il y a un rapport qui décrit le projet. Mais bon, le film, pour en revenir un peu à un film, c'est quoi? Est-ce que les Inuits ont participé aussi au scénario, à l'idéation du film? C'est quoi qui a apporté de plus ce vidéo-là? Pourquoi? Ouais. Je suis vraiment d'avis que c'est important de diversifier notre manière de communiquer la science. Puis quand on travaille... C'est ce qu'on fait en ce moment. Oui, c'est ça, exactement. Puis quand on travaille en contexte autochtone, en contexte partenarial, d'aller demander aux gens avec qui on travaille de quelle manière voulez-vous qu'on vous redonne les résultats puis qu'on vous les communique. Puis quelque chose qui est souvent revenu, c'est justement de diversifier, d'utiliser des moyens un peu plus visuels parfois que des gros rapports... plus lourd. Donc, le film, c'est quelque chose que c'est le deuxième, là, comme j'ai mentionné, que je fais dans le cadre de projets comme ça. Puis c'est pour répondre à cet appel-là de faire des produits scientifiques plus accessibles, plus parlants, qui vont par l'émotion aussi, par l'image, ce qui est important pour les gens de la place, mais aussi ça va aller rejoindre un public plus largement. Puis est-ce qu'ils l'ont vu, les gens là-bas? Est-ce qu'ils ont vu le film? Oui, en fait, je l'ai mis publiquement, je l'avais fait plusieurs représentations en premier. Si je l'ai allé montrer aux gens dans les communautés, bien entendu. Ils ont été les premiers à le voir. Ils m'ont donné du feedback dessus que j'ai intégré. Donc, ça a été un processus aussi itératif. Quand je l'ai mis public, c'était comme un grand moment pour moi parce que je venais de faire plusieurs représentations au Nunavik. Puis, très, très rapidement, je voulais juste savoir, tu as des nouveaux projets qui s'en viennent, là. Tu es maintenant professeur depuis assez récemment. L'année passée. Ça va faire un an. Donc, tu as des nouveaux projets qui s'en viennent. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement un peu? Oui, super brièvement. Véronique Dubas et moi, on a un projet qui commence. On est très, très heureuse, là, en partenariat avec la communauté de Kangirsuk, qui s'appelle Fish IQ, là. C'est le petit acronyme. C'est un projet dans le cadre d'un appel de projets conjoints d'ArcticNet. Donc, c'est des projets co-développés. On va continuer à travailler sur l'omble chevalier avec plein de méthodes là, qui impliquent la télémétrie, la microchimie des otolithes, des isotopes stables, mais aussi un atelier de scénario, des méthodes là, plus qualitatives, participatives. Donc, restez à l'affût. Oui, c'est ça, c'est un super projet. Vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Donc, merci Marianne et Véronique. Je rappelle que Marianne est professeure à l'Université TELUC et Véronique est chercheure postdoctorale à l'Université Laval.